Eh bien, tu quittes la fille d'Orgon, lui as-tu dit qui tu étais? Pardis oui, la pauvre enfant. J'ai trouvé son cœur plus doux qu'un agneau, il n'a pas soufflé. Quand je lui ai dit que je m'appelais Pasquin et que j'avais un habit d'ordonnance, « Eh bien, mon ami, m'a-t-elle dit, mais chacun a son nom dans la vie, chacun a son habit. Le vôtre ne vous coûte rien. Cela ne laisse pas d'être gracieux. » « Quelle sorte d'histoire me contes-tu là ?»« T'en tiens que je vais la demander en mariage. »« Comment ? Elle consent à t'épouser ? » ?»« La voilà bien malade. »« Tu m'en imposes, elle ne sait pas qui tu es. »« Par la ventre bleue, voulez-vous gager que je l'épouse avec la casaque sur le corps ? Avec une souquenille, si vous me fâchez ? » Je veux bien que vous sachiez qu'un amour de ma façon n'est point sujet à la casse, que je n'ai pas besoin de votre friperie pour pousser ma pointe, et que vous n'avez qu'à me rendre la mienne. Je suis un fourbe. Cela n'est pas concevable. Et je vois bien qu'il faudra que j'avertisse M. Orgon. Qui ? Notre père ? Oh, le bonhomme ! Nous l'avons dans notre manche. C'est le meilleur humain, la meilleure patte d'homme. Vous m'en direz des nouvelles. Quel extravagant. As-tu vu Lisette ? Lisette ? Ah, non. Peut-être a-t-elle passé devant mes yeux, mais un honnête homme ne prend pas garde à une chambrière. Je vous cède ma part de cette attention-là. Va-t'en, la tête te tourne. Vos petites manières sont un peu aisées, mais c'est la grande habitude qui fait cela. Adieu, quand j'aurai épousé, nous vivrons but à but. Votre soubrette arrive. Bonjour, Lisette. Je vous recommande Bourguignon. C'est un garçon qui a quelques mérites.